Allons, mon chou, ferme la fenêtre. Ça sent mauvais, l'eau qui croupit. Et puis il entre des moustiques. Laisse-moi tranquille. Allons, allons, mon chou, viens t'asseoir. Ne te penche pas, tu pourrais tomber dans l'eau. Tu sais ce qui est arrivé à François Ier, faut faire attention. Encore des exemples historiques? Ma crotte, je suis fatigué de l'histoire française. Je veux voir. Les barques sur l'eau font des taches au soleil. Tu ne peux pas les voir. Il n'y a pas de soleil. C'est la nuit, mon chou. Il en reste l'ombre. Tu me fais peur, mon chou. Viens t'asseoir. Tu ne les verras pas venir. C'est pas la peine. Il fait nuit. Je voulais voir. J'aime tellement voir l'eau. Comment peux-tu, mon chou? Ça me donne le vertige. Cette maison, enfin, cette île, je ne peux pas m'y habituer. Tout entouré d'eau. De l'eau sous les fenêtres. Jusqu'à l'horizon. Il est 6 heures de l'après-midi et il fait déjà nuit. Tu te rappelles, jadis, ce n'était pas ainsi. Il faisait encore jour à 9 heures du soir, à 10 heures, à minuit. C'est pourtant vrai. Quelle mémoire! T'as bien changé. Oui. Pourquoi donc, selon toi? Je ne sais pas, Sémiramis, ma crotte. Peut-être parce que plus on va, plus on s'enfonce. C'est à cause de la terre qui tourne, tourne, tourne, tourne. Tourne, tourne, mon petit chou. Oh, oui, tu es certainement un grand savant. Tu es très doué, mon chou. Tu aurais pu être président-chef, roi-chef, ou même docteur-chef, maréchal-chef. Enfin, si tu avais voulu, si tu avais eu un peu d'ambition dans la vie. À quoi ça nous aurait-il servi? On n'en aurait pas mieux vécu. Et puis, nous avons une situation. Je suis maréchal, tout de même, des logis, puisque je suis concierge. Mon petit chou, mon mignon. Je m'ennuie beaucoup. Tu étais plus gai quand tu regardais l'eau? Pour nous distraire, fais semblant, comme l'autre soir. Fais semblant toi-même. C'est ton tour. C'est ton tour. Ton tour. Ton tour. Ton tour. Ton tour. Bois ton thé, Sémiramis. Alors, imite le mois de février. Je n'aime pas les mois de l'année. Ben pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Allons, pour me faire plaisir. Tiens, voilà le mois de février. C'est ça! Merci, merci. Tu es mignon, comme tout, mon chou. Oh, tu es très doué. Tu aurais pu être au moins maréchal-chef, si tu avais voulu. Je suis concierge, maréchal des logis. Dis-moi l'histoire. Tu sais l'histoire, alors on a ri. Encore? Oh, j'en ai assez. Alors on a ri, encore celle-là? Tu me demandes toujours la même chose. Alors on a ri. Mais c'est monotone. Depuis 75 ans que nous sommes mariés, tous les soirs, absolument tous les soirs, tu me fais raconter la même histoire. Tu me fais imiter les mêmes personnes, les mêmes moi. Toujours pareil. Parlons d'autre chose. Mon chou, moi, je ne m'en lasse pas. C'est ta vie, elle me passionne. Tu la connais par cœur. Mais c'est comme si j'oubliais tout tout de suite. J'ai l'esprit neuf tous les soirs. Mais oui, mon chou, je le fais exprès. Je prends des purges. Alors je redeviens neuve pour toi, mon chou, tous les soirs. Allons, commence, je t'en prie. Si tu veux. Bah vas-y, alors raconte ton histoire. Elle est aussi la mienne. Ce qui est tien est mien. Alors, on a ri. Alors, on a ri, ma crotte. Alors, on a ri, mon chou. Alors, on arriva près d'une grande grille. On était tout mouillés, glacés jusqu'aux os. Depuis des heures, des jours, des nuits, des semaines. Des mois. Dans la pluie, on claquait des oreilles, des pieds, des genoux, des nez, des dents. Il y a de ça 80 ans. Ils ne nous ont pas permis d'entrer. Ils auraient pu au moins ouvrir la porte du jardin. Dans le jardin, l'herbe était mouillée. Il y avait un sentier qui conduisait à une petite place. Au milieu, une église de village. Où était ce village, tu te rappelles? Non, mon chou, je ne sais plus. Comment y arrivait-on? Où est la route? Ce lieu s'appelait, je crois... Paris. Ça n'a jamais existé, Paris, mon petit. Cette ville a existé, puisqu'elle s'est effondrée. C'était la ville de lumière, puisqu'elle s'est éteinte. Éteinte depuis 400 000 ans. Il n'en reste plus rien, aujourd'hui. Sauf une chanson. Une vraie chanson, c'est drôle. Quelle chanson? Une berceuse, une allégorie. Paris sera toujours Paris. On y allait par le jardin. Était-ce loin? La chanson, la pluie. Tu es très doué. Si tu avais eu un peu d'ambition dans la vie, tu aurais pu être un roi chef, un journaliste chef, un comédien chef, un maréchal chef. Dans le trou, tout ceci, hélas, dans le grand trou tout noir. Dans le trou noir, je te dis. Alors, on a ri. Ah oui, enchaîne. Raconte. Alors, on a ri. On avait mal au ventre. L'histoire était si drôle. Le drôle arriva ventre à terre, ventre nu. Le drôle avait du ventre. Il arriva avec une balle toute pleine de riz. Par terre, le riz se répandit. Le drôle à terre aussi, ventre à terre. Alors, on a ri, on a ri, on a ri. Le ventre drôle nu de riz à terre. La balle, l'histoire au mal de riz, ventre à terre, ventre nu, tout de riz. Alors, on a ri. Le drôle alors arriva tout nu. On a ri. Le drôle, du drôle, alors arrivé tout nu, on y arriva, on y arriva. On y arriva, la balle. Alors on a ventre nu. Harry la balle. On a ri. Harry. C'était donc ça, ton fameux pari? Qui pourrait dire mieux? Oh, tu es tellement, mon chou, bien. Oh, tellement, tu sais, tellement, tellement. Tu aurais pu être quelque chose dans la vie, de bien plus qu'un maréchal des logis. Soyons modestes, contentons-nous de peu. Peut-être as-tu brisé ta vocation. Je l'ai brisée. Je l'ai cassée. Oh, où es-tu, maman? Maman, où es-tu, maman? Je suis orphelin. Un orphelin, un orpheline. Mais je suis avec toi, que crains-tu? Non, c'est Miramis, ma crotte, tu n'es pas ma maman. Orphelin, orpheline, qui va me défendre? Je suis là, mon chou. Mais ce n'est pas la même chose. Je veux ma maman. Là, tu n'es pas ma maman. Tu me fends le cœur. Pleure pas, mon petit. Laisse-moi. Je me sens tout brisé. J'ai mal. Ma vocation me fait mal. Elle s'est cassée. Non, mais calme-toi. Je suis orphelin, un orpheline. Mon orphelin, mon chou, mais tu me crèves le cœur, mon orphelin. Ma maman, où elle est? Ma maman, je n'ai plus de maman. Je suis ta femme, c'est moi ta maman maintenant. C'est pas moi, je suis orphelin. Oh, mon mignon, mon orphelin. Orphelin, je veux pas, je veux pas. Orphelin, orphelin. Où elle est, ma maman? Au ciel fleuri! Elle t'entend, elle te regarde entre les fleurs. Ne pleure pas, tu la ferais pleurer. C'est même pas vrai! Elle me voit pas, elle m'entend pas! Je suis orphelin dans la vie, tu n'es pas ma maman! Là. Oh, voyons! Calme-toi! Ah, ne te mets pas dans cet état. Tu as d'énormes qualités, mon petit maréchal. Essuie tes larmes. Ils doivent venir ce soir, les invités. Il ne faut pas qu'ils te voient ainsi. Tout n'est pas brisé, tout n'est pas perdu. Tu leur diras tout, tu expliqueras. Tu as un message. Tu dis toujours que tu le diras. Il faut vivre, il faut lutter pour ton message. J'ai un message. Tu dis vrai, je lutte. Une mission. J'ai quelque chose dans le ventre. Un message à communiquer à l'humanité. À l'humanité. À l'humanité, mon chou. Ton message... C'est vrai, ça, c'est vrai. C'est ça. Tu es un homme, un soldat, un maréchal des logis. Mais je ne suis pas comme les autres. Moi, j'ai un idéal dans la vie. Je suis peut-être doué, comme tu dis. J'ai du talent, mais je n'ai pas de facilité. J'ai bien accompli mon office de maréchal des logis. J'ai toujours été à la hauteur de la situation, honorablement. Ça pourrait suffire. Pas pour toi. Tu n'es pas comme les autres. Tu es bien plus grand. Et pourtant, tu aurais beaucoup mieux fait de t'entendre comme tout le monde, avec tout le monde. Tu t'es disputé avec tous tes amis, avec tous les directeurs, tous les maréchaux, avec ton frère. C'est pas ma faute, c'est Miramis. Tu sais bien ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mes amis, j'ai une puce. Je vous rends visite dans l'espoir de laisser la puce chez vous. Ça se dit. Bon, chéri, tu n'aurais pas dû faire attention. Mais avec Karel, pourquoi t'es-tu fâché? Ah, c'était sa faute aussi. Tu vas me mettre en colère. Tu vas me mettre en colère, là. Mais bien sûr, c'était sa faute. Il est venu un soir et il a dit, je vous souhaite bonne chance. Je devrais vous dire le mot qui porte chance. Je ne le dis pas. Je le pense. Et il riait comme un veau. Mais il avait bon cœur, mon chou. Dans la vie, il faut être moins délicat. Mais j'aime pas ces plaisanteries. Tu aurais pu être marin, chef. Ébéniste chef, roi chef d'orchestre. C'était au bout du jardin. Était quoi, ma chérie? La ville de Paris. Au bout de la ville de Paris. Était quoi? Mon chou était quoi? Mon chou était qui? C'était un lieu, un temps exquis. C'était un temps si beau, tu crois? Je me rappelle pas l'endroit. Mais ne te fatigue donc pas l'esprit. C'est trop loin, je ne peux plus le rattraper. Où était-ce? Mais quoi? Ce que je... Où était-ce? Et qui? Que ce soit, n'importe où, je te suivrai. Partout, je te suivrai, mon chou. Hélas, J'ai tant de mal à m'exprimer. Il faut que je dise tout. C'est un devoir sacré. Tu n'as pas le droit de taire ton message. Il faut que tu le révèles aux hommes. Ils l'attendent. L'univers n'attend plus que toi. Oui, oui, je dirai. Mais es-tu bien décidé, hein, il faut. Bois ton thé. Tu aurais pu être un orateur-chef si tu avais plus de volonté dans la vie. Je suis fière, je suis heureuse que tu sois enfin décidé à parler à tous les pays. À l'Europe, à tous les continents. Hélas, j'ai tant de mal à m'exprimer, pas de facilité. La facilité vient en commençant, comme la vie et la mort. Il suffit d'être bien décidé. C'est en parlant qu'on trouve les idées, les mots. Et puis nous, dans nos propres mots, la ville aussi. Le jardin. On retrouve peut-être tout. On n'est plus orphelin. Ce n'est pas moi qui parlerai. J'ai engagé un orateur de métier. Il parlera en mon nom, tu verras. Alors, c'est vraiment pour ce soir? Au moins, les as-tu tous convoqués? Tous les personnages? Tous les propriétaires et tous les savants? Oui, tous les propriétaires et tous les savants. Les gardiens, les évêques, les chimistes, les chaudronniers, les violonistes, les délégués, les présidents, les policiers, les marchands, les bâtiments, les porte-plumes, les chromosomes. Oui, oui. Et les postiers, les aubergistes et les artistes, tous ceux qui sont un peu savants, un peu propriétaires. Et les banquiers. Je les ai convoqués. Les prolétaires, les fonctionnaires, les militaires, les révolutionnaires, les réactionnaires, les aliénistes et leurs aliénés. Mais oui, tous, tous, puisqu'en somme, tous sont des savants ou des propriétaires. Ne t'énerve pas, mon chou, je ne veux pas t'ennuyer, mais tu es tellement négligent. Comme tous les grands génies, cette réunion est importante. Il faut qu'ils viennent tous ce soir. Alors peux-tu compter sur eux? Ont-ils promis? Bois ton thé, Sémiramis. Les papillons et les papiers? Je les ai convoqués. Je vais leur communiquer le message. Toute ma vie, je sentais que j'étouffais. À présent, ils sauront tout. Grâce à toi, à l'orateur, vous seul m'avez compris. Oh, je suis si fière de toi. La réunion aura lieu dans quelques instants. Alors c'est donc vrai, ils vont venir ce soir. Tu n'auras plus envie de pleurer. Les savants et les propriétaires remplacent les papas et les mamans. La réunion, ça ne va pas trop nous fatiguer. Tu crois vraiment que ça pourrait nous fatiguer, hein? Tu es un peu enrhumé. Et comment faire pour décommander? Invitons-les un autre soir. Tu pourrais téléphoner. Mon Dieu, je ne peux plus. Il est trop tard. Ils doivent déjà être embarqués. Tu aurais dû être plus prudent. Je crois que l'on vient déjà. Oui, oui, on vient. C'est peut-être l'orateur. Il ne vient pas si vite. Ça doit être quelqu'un d'autre. Allô? Je suis toute dépeignée. Non, non, attends un peu. Fallait te préparer avant. Tu avais bien le temps. Je suis mal habillée, j'ai une vieille robe toute fripée. Tu n'avais qu'à la repasser. Dépêche-toi, tu fais attendre les gens. Je ne fais pas attendre les gens, puisque je ne savais même pas à quelle heure ils allaient venir. Alors, de toute façon... Bonjour, madame. Donnez-vous la peine d'entrer. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Voici ma femme. Bonjour, madame. Très heureuse de vous connaître. Attention, n'abîmez pas votre chapeau. Vous pouvez retirer l'épingle. Ça sera plus commode. Oh non, on ne s'assoira pas dessus. Mettez votre fourrure là. Je vais vous aider. Non, non, il ne s'abîmera pas. Oh, quel joli tailleur. Un corsage tricolore. Oh, vous prendrez bien quelques biscuits. Oui. Oh, vous n'êtes pas grosse, non? Potelé. Déposez le parapluie. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai qu'un modeste emploi. Mais, vous avez eu beau temps. Vous n'êtes pas trop fatigué, si, un peu? Au bord de l'eau. Oh, trop aimable de votre part. Je vais vous apporter une chaise. En attendant, prenez cette chaise. Oh, il fait chaud, n'est-ce pas? Oh, quel joli éventail. Mon mari m'en avait offert un semblable il y a 73 ans, je l'ai encore. C'était pour mon anniversaire. Oui, oui. Oh. Oh, madame, la vie n'a jamais été bon marché. Vous avez raison. Comme vous dites. Ben, il serait temps que ça change. Mon mari peut-être va s'en occuper, il vous le dira. Tais-toi, tais-toi, Sémiramis, ce n'est pas encore le moment d'en parler. Excusez-moi, madame, d'avoir éveillé votre curiosité. Non, non, chère madame, n'insistez pas. Oui, ah oui, vous avez tout à fait raison. Oui, oui, oui. Oh que non. Oui, oui, oui, pas du tout. Oui? Non. Vous l'avez dit. Pas possible. Oh alors. Elle est charmante. Madame a fait ta conquête. Mes félicitations. Ah, vous n'êtes pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Laissez, ne vous dérangez pas, je vais le ramasser. Vous avez été plus vite que moi. Elle n'a pas ton âge. La vieillesse est un fardeau bien lourd. Je souhaite que vous restiez jeune éternellement. Il est sincère, c'est son bon cœur qui parle. Mon chou. Oui. Vous êtes bien aimable de vous intéresser à nous. Nous vivons retirés. Oui, sans être misanthrope, mon mari aime la solitude. Nous avons la radio, je pêche à la ligne, et puis il y a un service de bateau assez bien fait. Le dimanche, il en passe deux le matin, un le soir, sans compter les embarcations privées. Quand il fait beau, il y a la lune. Il assume toujours ses fonctions de maréchal des logis, ça l'occupe, c'est vrai. À son âge, il pourrait prendre du repos. J'aurais bien le temps de me reposer dans la tombe. Ne dis pas ça, mon petit chou. La famille, enfin ce qu'il en reste. Les camarades de mon mari venaient encore nous voir de temps à autre il y a 10 ans. L'hiver, un bon livre près du radiateur. Des souvenirs de toute une vie. Une vie modeste, mais bien remplie. 2 heures par jour, il travaille à son message. Quelqu'un, va vite. Vous m'excusez, madame, un instant. Va vite chercher des choses. Je vous demande un petit moment, ma chère. Voilà une personne bien autoritaire. Ah, mon colonel! Bonjour, mon colonel. Ah, oh, c'est... Pardon. C'est un honneur étonnant pour moi. Je ne m'attendais pas. Ah, bien que, pourtant... Enfin, bref, je suis... Pardon. Je suis très fier de recevoir, dans ma demeure discrète, un héros de votre taille. Sans fausse modestie, toutefois, je me permets de vous avouer que je ne me sens pas indigne de votre visite. Fier, oui, indigne, non. Oh, quel bel uniforme. Quelle belle décoration. Qui est-ce, mon chou? Nous ne voyons pas que c'est le colonel. Ah? Compte les galons. C'est mon épouse, c'est Miramis. Approche, que je te présente à mon colonel. Ma femme, le colonel. Enchanté, mon colonel, soyez le bienvenu. Vous êtes un camarade de mon mari? Il est maréchal. Des logis, des logis. Oh, il est bien poli. Ça se voit que c'est un supérieur. Enfin, un être supérieur. La chaise est pour vous. Daignez nous suivre. Ah oui, oui, nous avons quelqu'un. Nous attendons beaucoup d'autres personnes. Asseyez-vous, je vous prie. Une jeune dame de nos amis. Une très bonne amie. Le colonel, un éminent militaire. Alors prenez-vous. Cette chaise. Ah non. Tu vois bien que le colonel veut s'asseoir à côté de la dame. Oh, c'est trop fort. Ah oui, oui, peut-être. Oui, oui, mon colonel. Ils ne sont pas encore là. Ils vont venir. C'est l'orateur qui parlera pour moi. Il expliquera le sens de mon message. Attention, colonel. Le mari de cette dame peut arriver d'un instant à l'autre. Mais qui est-ce, monsieur? Je te l'ai dit, c'est le colonel. Ben, je le savais. Alors, pourquoi le demandes-tu? Pour savoir. Colonel, pas par terre, les mégots. Mon colonel, j'ai oublié. La dernière guerre, l'avez-vous perdue ou gagnée? Mais ma petite, ne vous laissez pas faire. Mais regardez-moi, ai-je l'air d'un mauvais soldat? Une fois, mon colonel, à une bataille. Il exagère, c'est inconvenant. Écoutez-le, mon chou, ne le laisse pas faire. Moi tout seul, j'ai tué 209 pour les appeler ainsi, car ils sautaient très haut pour échapper. Pourtant, moins nombreux que des mouches, c'est moins amusant, évidemment. Colonel, mais grâce à ma force de caractère, je les ai... Oh non, colonel, non, je vous en prie. Mon mari ne ment jamais, nous sommes âgés, il est vrai. Pourtant, nous sommes respectables. Un héros doit aussi être poli s'il veut être un héros complet. Je vous connais depuis bien longtemps, je n'aurais jamais cru ça de votre part. Je n'aurais jamais cru ça de sa part. Nous avons notre dignité, un amour propre personnel. Je suis encore en mesure de porter des armes. Oh, excusez-moi, je vais ouvrir. Oh, pardon. Vous vous êtes porté du mal. Oh, vous vous êtes sali, oh, il y a de la poussière. Je m'excuse. Va chercher une chaise. Excusez-nous, un instant. Il voulait me faire enrager. Je suis presque en colère. Oh, madame, c'est vous? Je n'en crois pas mes yeux. Et pourtant, si. Je ne m'y attendais plus du tout. Ah, vraiment, c'est... Oh, madame. Madame, j'ai pourtant bien pensé à vous toute ma vie. Toute la vie, madame. On vous appelait la belle. C'est votre mari. Oui, on me l'a dit, assurément. Vous n'avez pas changé du tout. Oh, si. Si, comme votre nez s'est allongé. Comme il a gonflé. Je m'en étais pas aperçu à premier abus, mais je m'en aperçois. Terriblement allongé. Quel dommage. C'est tout de même pas exprès. Et comment cela est-il arrivé? Ah, petit à petit. Excusez-moi, monsieur et cher ami. Permettez-moi de vous appeler cher ami. J'ai connu votre femme bien avant vous. C'était la même. Avec un nez tout différent. Je vous félicite, monsieur. Vous avez l'air de vous aimer beaucoup. C'est Miramis. Il y a deux personnes d'arrivée. Il faut encore une chaise. Approchez. Nous avons déjà du monde. Je vais vous présenter. Ainsi donc, madame. Oh, belle. Mademoiselle Belle, on vous appelait ainsi. Vous êtes courbée en deux. Oh, monsieur, elle est bien belle encore quand même. Sous ses lunettes, elle a encore ses jolis yeux. Ses cheveux sont blancs, mais sous les blancs, il y a les bruns, les bleus, j'en suis certain. Approchez, qu'est-ce que c'est, monsieur? Un cadeau pour ma femme. C'est Miramis, c'est la belle, tu sais, la belle. C'est mademoiselle, oh pardon, madame, belle, ne sauriez pas, et son mari. Une amie d'enfance, je t'en ai souvent parlé. Et son mari. Il présente bien ma foi, il a belle allure. Bonjour madame, bonjour monsieur. Mes amis, oui. Il vient t'offrir un cadeau. Est-ce une fleur, monsieur? Ou un berceau? Un poirier? Ou un corbeau? Mais non, tu vois bien que c'est un tableau. Oh, comme c'est beau. Merci, monsieur. Regardez, ma chère amie, si vous voulez. Regardez, si vous voulez. Docteur, j'ai des nausées. J'ai des bouffées, j'ai mal au cœur, j'ai des douleurs, je sens plus mes pieds. J'ai froid aux yeux, j'ai froid aux doigts, je souffre du foie, docteur, docteur. Ce monsieur n'est pas docteur, il est photograveur. Si vous avez fini de le regarder, vous pouvez l'accrocher. Oh, ça ne fait rien, il est quand même charmant. Il est éblouissant. Enfin, sans vouloir vous faire de compliments. Je suis très ému. Vous êtes bien vous, tout de même. Je vous aimais il y a 100 ans. Il y a en vous un tel changement. Il n'y a en vous aucun changement. Je vous aimais. Je vous aime. Oh, monsieur. Monsieur, monsieur. Mais je suis d'accord avec vous sur ce point. Ah, vraiment, monsieur, vraiment. Oh, merci de l'avoir accroché. Excusez-moi si je vous ai dérangé. Où sont les neiges d'antan? Oh, monsieur. Monsieur, monsieur. Oh, oh monsieur. C'est une jeune amie. Elle est très douce. Oui. Il est colonel d'État à cheval. Un camarade de mon mari. Un subalterne. Mon mari est maréchal. Vos oreilles n'ont pas toujours été pointues. Ma belle, vous souvenez-vous? Ah, c'est plus de mon âge, vous croyez? Dans notre temps, la lune était un astre vivant. Ah oui, oui, si on avait osé. Mais nous étions des enfants. Voulez-vous que nous rattrapions le temps perdu? Peut-on encore? Peut-on encore? Oh non, non, on ne peut plus. Le temps est passé aussi vite que le train. Il a tracé des rails sur la peau. Vous croyez que la chirurgie esthétique peut faire des miracles? Mais je suis militaire et vous aussi. Les militaires sont toujours jeunes. Les maréchaux sont comme des dieux. Et il en devrait être ainsi, hélas, hélas. Nous avons tout perdu. Nous aurions pu être si heureux. Je vous le dis, nous aurions pu. Nous aurions pu. Peut-être des fleurs poussent sous la neige. Flatteur. Coquin. Je fais plus jeune que mon âge. Vous êtes un petit apache. Vous êtes excitant. Voulez-vous être mon Iseux et moi votre Tristan? La beauté est dans les cœurs. Comprenez-vous, on aurait eu la joie, on partage la beauté, l'éternité. L'éternité, oh. Pourquoi n'avons-nous pas osé? Nous n'avons pas assez voulu. Nous avons tout perdu, perdu, perdu. Non, non, non, oh là là, vous me donnez des frissons. Vous aussi, vous êtes chatouillé? Chatouilleux? Ou chatouilleur? Oh, j'ai un peu honte. Aimez-vous mon jupon? Préférez-vous cette jupe? Une pauvre vie de maréchal des logis. Pour préparer des crêpes de Chine? Un œuf de bœuf, une heure de beurre, du suc gastrique? Oh, oh, vous avez des doigts droits. Oh, oh, tout de même. Oh. Ma noble compagne, Sémiramis, a remplacé ma mère. Je vous l'avais pourtant bien dit, colonel, on prend la vérité ou on la trouve. Vous croyez? Vraiment, vraiment qu'on peut avoir des enfants à tout âge? Enfin, des enfants de tout âge. C'est bien ce qui m'a sauvé, la vie intérieure, un intérieur calme, l'austérité, mes recherches scientifiques, la philosophie, mon message. Je n'ai encore jamais trompé mon époux le maréchal. Pas si fort, non, non. Vous allez me faire tomber. Non. Je ne suis que sa pauvre maman. Non. Une arrière, arrière, arrière, maman, non. Ses cris, c'est ma conscience qui les pousse pour moi. La branche du pommier est cassée. Cherchez ailleurs votre voix. Non. Je ne veux pas cueillir les roses de la vie. Des préoccupations d'un ordre supérieur. Mais asseyez-vous. Oui. Oui. Non. Non. Oui. Oui. Oui. Oui. Non. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Non. Ah non. Non. Non. Non. Non. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Ah oui. Oui. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Non. Non. Ah non. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Nous avons eu un fils. Elvire, bien sûr. Il s'en est allé. C'est une histoire courante. Plutôt bizarre. Il a abandonné ses parents. Il avait un cœur d'or. Il y a bien longtemps. Nous qui l'aimions tant. Il a claqué la porte. Mon mari et moi avons essayé de le tenir de force. Il avait 7 ans. L'âge de raison. On lui criait, mon fils, mon enfant, mon fils, mon enfant. Il n'a pas tourné la tête. Hélas, non, non, nous n'avons pas eu d'enfant. J'aurais bien voulu avoir un fils. Sémiramis aussi. Nous avons tout fait. Ma pauvre Sémiramis, celle qui est si maternelle. Peut-être ne le fallait-il pas. Moi-même, j'ai été un fils ingrat. Oh, de la douleur, des regrets, des remords, il n'y a que ça. Il ne nous reste que ça. Il disait, vous tuez les oiseaux. Pourquoi tuez-vous les oiseaux? Nous ne tuons pas les oiseaux. On n'a jamais fait de mal à une mouche. Il avait de grosses larmes dans les yeux. Il ne laissait pas les essuyer, on ne pouvait pas l'approcher. Il disait, si vous tuez tous les oiseaux, il nous montrait ses petits poings. Vous mentez, vous m'avez trompé. Les rues sont pleines d'oiseaux tués, de petits enfants qui agonisent. C'est le chant des oiseaux. Non, ce sont des gémissements. Le ciel est rouge de sang. Mais non, mon enfant, il est bleu. Il criait encore, vous m'avez trompé. Je vous adorais, je vous croyais bon. Les rues sont pleines d'oiseaux morts. Vous leur avez crevé les yeux. Papa, maman, vous êtes méchants. Je ne veux plus rester chez vous. Je me suis jetée à ses genoux. Son père pleurait. Nous n'avons pas pu l'arrêter. On l'entendit encore crier. C'est vous le responsable. Qu'est-ce que c'est, responsable? J'ai laissé ma mère mourir toute seule dans un fossé. Elle m'appelait, gémissait faiblement. Mon petit enfant, mon fils bien-aimé, ne me laisse pas mourir toute seule. Reste avec moi, j'en ai pas pour bien longtemps. T'en fais pas, maman, lui dis-je. Je reviendrai dans un instant. J'étais pressé, j'allais au bal danser. Je reviendrai dans un instant. À mon retour, elle était morte déjà, mais enterrée profondément. J'ai creusé la terre, je l'ai cherchée. Je n'ai pas pu la trouver. Je sais, les fils toujours abandonnent leur mère, tuent plus ou moins leur père, la vie est comme ça. Moi, j'en souffre, les autres pas. Il criait, papa, maman, je ne vous reverrai pas. J'en souffre, oui, les autres pas. Ne lui en parlez pas, à mon mari. Lui qui aimait tellement ses parents, il ne les a pas quittés un instant. Il les a soignés, choyés. Ils sont morts dans ses bras. En lui disant, tu as été un fils parfait, Dieu sera bon pour toi. Je la vois encore allongée dans son fossé. Elle tenait du muguet dans sa main et elle criait, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Elle avait de grosses larmes dans les yeux et m'appelait par mon surnom d'enfant. Petit poussin, disait-elle, petit poussin, ne me laisse pas toute seule, là. Il ne nous a jamais écrit. De temps à autre, un ami nous dit qu'il l'a vu là, qu'il l'a vu ci, qu'il se porte bien, qu'il est un bon mari. À mon retour, elle était enterrée depuis longtemps. Si, madame, si. Nous avons aussi des bains dans la maison, un restaurant, des salles de bain. Mais oui, colonel, c'est bien parti. Au fond, c'est bien ça. Pourvu. Ainsi, je n'ai, je lui, certainement. Bref. À notre et au sien. À ce que? Je le lui ai. Le ou là? Il. Les papillons, allons donc. Il m'en est. Pourquoi? Oui. Je. Bref. Fait-il, madame? Ah, combien? Du monde, encore du monde. Il m'avait bien semblé entendre des barques. Je vais ouvrir, va chercher les chaises. Excusez-moi, messieurs, mesdames. Levez-vous, s'il vous plaît. Un instant. L'orateur. Il doit bientôt venir. Il faut préparer la salle pour la conférence. Donnez-moi un coup de main. Merci. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Donnez-vous la peine d'entrer. Ma femme. Monsieur, madame, ma femme. Monsieur, madame, ma femme. Qui sont tous ces gens-là, mon chou? Va chercher des chaises, chérie. Ah, je peux pas tout faire. Ne laissez pas tomber votre appareil cinématographique. Le colonel, la dame, madame Labelle. Le photographeur. Ce sont des journalistes. Ils sont venus eux aussi écouter le conférencier, qui sera certainement là tout à l'heure. Vous impatientez pas. N'allez pas vous ennuyer, là, tous ensemble. Allons, toi, plus vite avec tes chaises. Il en faut encore une. Ça va, je fais ce que je peux. Je suis pas une mécanique. Mais qui sont-ils, tous ces gens-là? Asseyez-vous, asseyez-vous. Les dames avec les dames, les messieurs avec les messieurs. Ou le contraire, si vous voulez. Ah non, non, nous n'avons pas de chaises plus belles. C'est plutôt improvisé. Excusez. Prenez celle du milieu. Voulez-vous un stylo? Téléphonez à Maillot, vous aurez Monique. Claude, c'est Providence. Ah non, je n'ai pas la radio, mais je reçois tous les journaux. Oui. Ah, oh, ça dépend d'un tas de choses. Ben, j'administre ces logis, mais je n'ai pas de personnel. Il faut faire des économies. Ah non, pas d'interview, je vous en prie, pour le moment. Après, on verra. Mais vous allez avoir tout de suite une place assise. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Plus vite, c'est bien. Je fais de mon mieux. Mais qui sont-ils, tous ces gens-là? Expliquez plus tard. Et celle-là, mon chou. T'en fais pas. Mon colonel, le journalisme est un métier qui ressemble à celui du guerrier. Occupe-toi un peu des dames, ma chérie. Oh, pardon, un instant. Va chercher des chaises. Messieurs, mesdames, excusez-moi. Des chaises. Ah, ah, ah, mais entrez. Entrez donc, je vous en prie. Entrez. Oh, mais entrez. Oh, on ne vient pas avec des petits-enfants à une conférence scientifique. Il va s'ennuyer, pauvre petit. Et s'il se met à crier, on va pisser sur les robes des dames. Ça va en faire du joli. Je vous présente ma femme. C'est bien mis, ce sont leurs enfants. Messieurs, mesdames. Ouais. Oh, qu'ils sont gentils. Ouais, celui-là, c'est le plus petit. Oh, qu'il est mignon. Il n'y a pas assez de chaise. Oh là là là là. Vous prendrez le petit sur vos genoux. Les deux jumeaux pourront s'asseoir sur une même chaise. Attention, elles ne sont pas solides. Ce sont des chaises de la maison. Elles appartiennent au propriétaire. Oui, mes enfants. Il nous disputerait. Il est méchant. Il voudrait qu'on les lui achète. Elles n'en valent pas la peine. Vous ne vous connaissez pas tous. Non, vous vous voyez pour la première fois. Mais vous vous connaissez tous de nom. Sémiramis, aide-moi à faire les présentations. Mais qui sont tous ces gens-là? Permettez-moi de vous présenter. Je vous présente, monsieur, madame. Que je vous présente. Je vous présente. Oui. Madame. Mais qui sont-ils? Madame, monsieur. Mademoiselle, madame. Bonjour, madame. As-tu mis ton tricot? Madame, monsieur, madame. Du monde! Du monde! Entrez! Patientez-moi un petit instant. Entrez, je vous en prie. Pardon. Entrez donc. À quoi, papa? Pardon! Entrez, messieurs! Entrez! Ah! Mesdames, entrez. Oh, vous, madame, permettez. Entrez, patientez seulement un petit instant. Mon épouse est allée chercher des chaises dans un petit moment. Tout le monde pourra prendre place. Entrez, sollicitez pour entrer. Entrez, patientez seulement un petit peu. Entrez, je vous en prie. Entrez par ici. Entrez par là. Entrez, s'il vous plaît. Entrez. Oh là là là là, as-tu mis ton tricot? Oh, entrez, messieurs-dames, entrez. Du monde, des chaises, plus vite, c'est Sémiramis. On te donnera bien un coup de main. Bonjour, madame. Pardon, monsieur. Oui, des chaises. Un petit instant, de patience. As-tu mis ton tricot? C'est par ici maintenant. Voilà, je vous demande, par ici les places. Bonsoir, madame. Ah non, pas par là. Attention. À l'instant, j'ai un peu impressionné. Nous allons vous placer tout de suite. Oh, Sémiramis. Sémiramis. Bon sang. Des chaises. Oui, des chaises. Des chaises. plus de chaise, mon chou. Le programme ? Demandez donc le programme ! Le programme de la soirée ! Demandez le programme ! Calme, messieurs dames, on va s'occuper de vous ! Chacun son tour, on va rentrer d'arrivée ! Vous aurez de la place, on s'arrangera ! Demandez le programme ! Attendez-moi un peu, madame, je ne peux pas servir tout le monde à la fois, je n'ai pas 33 mains. J'ai pas une vache. Ah, monsieur Aigné, il est trop près d'amabilité de passer le programme. Excusez-moi. À votre voisine, oui, c'est à vous, merci. Ma monnaie. Ma monnaie. Mais puisque je vous dis que je vais vous placer, vous énervez pas, par ici. C'est par ici, là. Ah, attention. Ah, cher ami, chers amis. Programme, vend des grammes, grammes. Oui, mon cher, elle est là, plus bas. Elle vend des programmes. Il n'y a pas de son métier. C'est elle. Vous la voyez, elle est au deuxième rang, là. Vous avez une place au deuxième rang à gauche. Non, pas à droite, c'est ça. Gramme, gramme, programme. Vend des programmes. Le programme de la soirée. Mais voulez-vous que je fasse? Je fais de mon mieux. Poussez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Encore une petite place. Elle sera pour vous, madame. Approchez. Mesdames, messieurs, veuillez nous excuser. Il n'y a plus de place assise. Demandez le programme. Qui veut le programme? Chocolat, merci pour avoir le bonbon, si vous voulez. En voici, en voilà. Pardon, pardon, mille excuses, mais faites attention. Mais qu'est-ce que c'est tout ce monde? Programme. Demandez le programme. Chocolat glacé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un instant de silence, je vous en supplie. Du silence! C'est très important. Les personnes qui n'ont pas de... qui n'ont pas de place assise sont priées de bien vouloir dégager le passage. C'est ça, ne restez pas entre les chaises. Qui sont tous ces gens-là, mon chou? Les dégager, messieurs dames! Les personnes qui n'ont pas de place assise doivent, pour la commodité de tous, se mettre debout contre le mur. Non, poussez! Non, ne poussez pas! Non! Attention, mon chou, ne poussez pas, ne vous poussez, ne poussez pas, ne poussez pas comme ça, tous ces gens-là. Non, mais qui est celui-là? Où es-tu? Où es-tu, Semiramis? Mon chou, mon chou, où es-tu? Ici, près de la fenêtre. M'entends-tu? Oui. J'entends ta voix. Il y en a beaucoup, mais je distingue la tienne. Et toi, où es-tu? Près de la fenêtre, moi aussi. Ah. Mon chéri! Oh, j'ai peur, il y a trop de monde. Oh, nous sommes bien loin, l'un de l'autre. À notre âge, nous devons faire attention, hein. Nous pourrions nous égarer. Il faut rester tout près, hein. On ne sait jamais. Mon chou, mon chou. Ah, je viens de t'apercevoir. On se reverra, d'accord, rien. Non, je suis avec des amis. Je suis content de vous serrer la main. Ah oui, oui. Je crois au progrès ininterrompu. Avec des scousses, pourtant. Avec des scousses. Ça va, merci. Quel mauvais temps. Comme il fait beau. Mais j'ai peur quand même, qu'est-ce que je fais, moi? Mon chou, mon chou! Pour empêcher l'exploitation de l'homme par l'homme, il nous faut de l'argent, encore de l'argent. Mon chou! Ah oui, mon mari est là. Ah oui, c'est lui qui organise. Là-bas. Oh, vous n'y arriverez pas. Hein. Il faudrait pouvoir traverser. Il est avec des amis. Mais certainement pas, je l'ai toujours dit. La logique pure, ça n'existe pas. C'est de l'imitation. Voyez-vous, il y a des gens heureux. Le matin, ils prennent leur petit déjeuner en avion. À midi, ils déjeunent en chemin de fer. Le soir, ils dînent en paquebot. Et ils dorment la nuit dans des camions qui roulent, roulent, roulent. Vous parlez de la dignité de l'homme. Tâchons au moins de sauver la face. La dignité n'est que son dos. Ne glissez pas dans les ténèbres. Vos compatriotes me le demandent. Ah oui, certainement. Racontez-moi tout. Bon, je vous ai convoqué, c'est pour qu'on vous explique. L'individu et la personne, c'est une seule et même personne. Il a un air emprunté, il nous doit beaucoup d'argent. Je ne suis pas moi-même, je suis un autre, je suis l'un dans l'autre. Mes enfants, méfiez-vous les uns des autres. Je me réveille quelquefois au milieu du silence absolu, c'est la sphère, il n'y manque rien. Il faut faire attention cependant, sa forme peut disparaître subitement. Il y a des trous par où elle s'échappe. Des revenants, voyons, des fantômes, des rien du tout. Mon mari exerce des fonctions très importantes, sublimes. Non, excusez-moi, c'est pas du tout mon avis. Je vous ferai connaître à temps mon opinion à ce sujet. Je ne dirai rien pour le moment. C'est l'orateur, celui que nous attendons. C'est lui qui vous dira, qui répondra pour moi, tout ce qui nous tient à cœur. Il vous expliquera tout. Quand ? Lorsque le moment sera venu. Et le moment viendra bientôt. Le plus tôt sera le mieux, bien entendu. Ils ne vont plus nous laisser tranquilles. Qu'ils s'en aillent. Mon pauvre chou, où est-il ? Je ne l'aperçois plus. Mais ne vous impatientez pas comme ça, vous entendrez mon message tout à l'heure. Ah, j'entends sa voix. Savez-vous, mon époux a toujours été incompris. Ben, son heure enfin est venue. Écoutez-moi, j'ai une riche expérience dans tous les domaines de la vie, de la pensée. Je ne suis pas un égoïste. Il faut que l'humanité en tire son profit. Oh, mais vous marchez sur les pieds. J'ai des engelures. J'ai mis au point tout un système. Mais l'orateur devrait être là. J'ai énormément souffert. Nous avons beaucoup souffert. L'orateur devrait être là, c'est l'heure pourtant. Beaucoup souffert, beaucoup appris. Beaucoup souffert, beaucoup appris. Vous verrez vous-même, mon système est parfait. Vous verrez vous-même, son système est parfait. Si on veut bien obéir à mes instructions. Si on veut bien suivre ses instructions. Sauvons le monde. Sauvez son âme en sauvant le monde. Une seule vérité Une pour tous. Une seule vérité pour tous. Obéissez-moi. Obéissez-lui. Car j'ai la certitude absolue. Il a la certitude absolue. Jamais. Au grand jamais. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Est-ce possible? Mais oui! Mais oui! Incroyable! Et pourtant, si! Oui! C'est l'empereur, Sa Majesté l'empereur. Bonjour. Bonjour, qui est-ce? Levez-vous, messieurs dames. C'est Sa Majesté l'empereur. L'empereur chez moi. Chez nous, c'est Miramis, t'en rends-tu compte? L'empereur, mon chou. Ah oui, l'empereur. Oh, majesté, majesté, chez nous, chez nous. Majesté, oh, ma majesté, ma petite, ma grande majesté. Quelle sublime grâce, c'est un rêve merveilleux. Rêve merveilleux, merveilleux. Mesdames, messieurs, lavez-vous, notre souverain bien-aimé, l'empereur, est parmi nous. Hourra, hourra. Hourra, hourra. Votre majesté, je suis là. Votre Majesté, m'entendez-vous? Me voyez-vous? Faites donc savoir à Sa Majesté que je suis là. Majesté, Majesté, je suis là. Votre plus fidèle serviteur. Votre plus fidèle serviteur, Majesté. Votre serviteur, votre esclave, votre chien. Ouh, ouh, votre chien, Majesté. Ouh, ouh, ouh. Me voyez-vous, sire? Répondez. Ah, je vous aperçois. Je viens d'apercevoir la figure auguste de votre majesté, votre front divin. Je l'ai aperçu, oui, malgré l'écran des courtisans. Malgré les courtisans, nous sommes là, majesté. Majesté, majesté, ne laissez pas, mesdames et messieurs, sa majesté, debout. Vous voyez, ma majesté, je suis vraiment le seul à avoir soin de vous, de votre santé. Je suis le plus fidèle de vos sujets. Les plus fidèles sujets de votre majesté. Laissez-moi donc passer, mesdames et messieurs. Mais comment faire pour me frayer un passage dans cette cohue? Il faut que j'aille présenter mes très humbles respects à sa majesté l'empereur. Laissez-moi passer! Laissez-le passer, laissez-le passer. Laissez-moi passer, laissez-moi donc passer. Oh, arriverai-je jamais jusqu'à lui? À lui. Et pourtant, mon cœur et tout mon être sont à ses pieds. La foule des courtisans l'entoure. Ah! Ils veulent m'empêcher d'arriver jusqu'à lui. Ils se doutent bien, eux tous. Oui, je m'entends. Les intrigues de la cour, je connais ça. On veut me séparer de votre majesté. Calme-toi, mon chou, sa majesté te voit, te regarde, sa majesté m'a fait un clin d'œil. Ouais. Sa majesté est avec nous. Qu'on donne à l'empereur la meilleure place près de l'estrade, qu'elle entende tout ce que dira l'orateur. On s'occupe de l'empereur, enfin. Le ciel soit loué. Sire, que votre majesté ait confiance. C'est un ami, mon représentant, qui est auprès de votre majesté. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, mes petits-enfants, je vous implore. Flan. Oh, je voudrais voir. Écartez-vous. Je voudrais le regard céleste, le respectable visage, la couronne, l'auréole de sa majesté. Sire, daignez tourner votre illustre face de mon côté vers votre serviteur humble, si humble. J'aperçois nettement cette fois. Il aperçoit cette fois. Perçoit-soi. Je suis au comble de la joie. Je n'ai pas de parole pour exprimer la démesure de ma gratitude. Dans mon modeste logis. Oh, majesté. Oh, soleil. Ici, dans ce logis. Où je suis, il est vrai, le maréchal. Mais dans la hiérarchie de votre armée, je ne suis qu'un simple maréchal des logis. Maréchal des logis. J'en suis fier. Fier et humble à la fois, comme il se doit. Hélas, certes, et... Je suis maréchal. J'aurais pu être à la cour impériale. Ici, je ne surveille qu'une petite cour. Mais, majesté, j'ai du mal à m'exprimer. J'aurais pu avoir beaucoup de choses, pas mal de biens, si j'avais voulu. Majesté, excusez mon émotion. À la troisième personne. Oui, mais que votre majesté daigne m'excuser. Vous êtes donc venu. On n'espérait plus. On aurait pu ne pas être là. Oh, sauveur, dans ma vie, j'ai été humilié. Humilié. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'aurais pu être... quelque chose, si j'avais pu être sûr de l'appui de votre majesté. Mais je n'ai aucun appui. Si vous n'étiez pas venu, tout aurait été trop tard. Vous êtes, sire, mon dernier recours. Dernier recours, sire. Dernier recours. Irrecours. J'ai porté malheur à mes amis, à tous ceux qui m'ont aidé. La foudre frappait la main qui, vers moi, se tendait. Main qui se tendait. On a toujours une bonne raison de me haïr, de mauvaise raison de m'aimer. Oh, c'est faux. Mon chou, c'est faux. Je t'aime, moi. Mm-hmm. Je suis ta petite mère. Tous mes ennemis ont été récompensés. Et mes amis m'ont trahi. Amis trahi, trahir. On m'a fait du mal. Ils m'ont persécuté. Si je me plaignais... C'est à eux que l'on donnait toujours raison. J'ai essayé, parfois, de me venger. J'ai jamais pu... Jamais pu me venger. J'avais trop pitié. Je ne voulais pas frapper l'ennemi à terre. J'ai toujours été trop bon. Il était trop bon. Bon, bon, bon, bon. C'est ma pitié qui m'a vaincu. Ma pitié, pitié, pitié. Mais eux n'avaient pas pitié. Ils donnaient un coup d'épingle, ils me frappaient un coup de massue, un coup de couteau, un coup de canon. Ils me broyaient les os. Les os. On me volait ma place. On me volait, on m'assassinait. J'étais le collectionneur de désastres, le paratonnerre des catastrophes. Paratonnerre, catastrophe, paratonnerre. Oui. Pour oublier, Majesté, j'ai voulu faire du sport, de l'alpinisme. On m'a tiré par les pieds pour me faire glisser. J'ai voulu monter des escaliers, on m'a pourri les marches. Je me suis effondré. J'ai voulu voyager, on m'a refusé le passeport. J'ai voulu traverser la rivière, on m'a coupé les ponts. Coupé les ponts. J'ai voulu franchir les Pyrénées, il n'y avait déjà plus de Pyrénées. Plus de Pyrénées. Il aurait pu être lui aussi majesté comme tant d'autres, un rédacteur-chef, un acteur-chef, un docteur-chef, majesté. Un roi-chef. D'autre part, on n'a jamais voulu me prendre en considération. On m'a jamais envoyé les cartes d'invitation. Pourtant, moi... Écoutez, je vous le dis, moi seul aurais pu sauver l'humanité, qui est bien malade, votre majesté s'en rend compte comme moi. Ou du moins, j'aurais pu lui épargner les maux dont elle a tant souffert ce dernier quart de siècle, si j'avais eu l'occasion de communiquer mon message. Mais je ne désespère pas de la sauver, il est encore temps. J'ai le plan. Hélas, je m'exprime difficilement. L'orateur sera là. Il parlera pour toi. Sa majesté est là. Ainsi, on t'écoutera. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu as tous les atouts. Ça a changé. Ça a changé. Que votre majesté me pardonne. Elle a bien d'autres soucis. J'ai été humilié. Non, mesdames, messieurs, écartez-moi un tout petit peu, s'il vous plaît. Ne me cachez pas complètement le nez de sa majesté. Je veux voir briller les diamants de la couronne impériale. Mais puisque votre majesté a daigné venir sous mon toit misérable, c'est bien parce qu'elle condescend à prendre en considération ma pauvre personne. Quelle extraordinaire compensation, majesté. Si, matériellement, je me hausse sur la pointe des pieds, ce n'est pas par orgueil. Ce n'est que pour vous contempler. Moralement, je me jette à vos genoux. À vos genoux, sire. Nous nous jetons à vos genoux, à vos pieds, à vos orteils. J'ai eu la gale. Mon patron m'a mis à la porte parce que je ne faisais pas la révérence à son bébé, à son cheval. J'ai reçu des coups de pied au cul. Mais tout ça, sire, n'a plus aucune importance. Puisque, sire, majesté, regardez, je suis là. Là. Là, là, là, là, là. Puisque votre majesté est là, puisque votre majesté prendra en considération mon message. Et l'orateur devrait être là. Il fait attendre sa majesté. Que sa majesté l'excuse, il doit venir, il sera là dans un instant. On nous a téléphoné. Oui, sa majesté est bien bonne. Elle ne partira pas comme ça sans avoir tout écouté, tout entendu. Tout entendu, entendu, hein, tout écouté. C'est lui qui parlera en mon nom. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas de talent. Lui, il a tous les papiers, tous les documents. Un peu de patience, sire, je vous en supplie. Il doit venir à l'instant. L'orateur doit venir, majesté. Il viendra, l'orateur. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il vient. Il vient. Il vient. Il est là. Il vient. Il est là. Il vient. Il est là. Il vient. Il est là. Oh. Il est là. C'est bien lui. Il existe. En chair et en os. Il existe. C'est bien lui. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Je te l'avais bien dit. Majesté, je vous présente l'orateur. C'est lui. Vous pouvez lui demander des autographes. Aucun homme de son vivant ne peut espérer plus. Aucun homme ne peut espérer plus. Et maintenant, avec l'autorisation... Silence, messieurs. Silence, messieurs. Avec l'autorisation de votre majesté, je m'adresse à vous tous. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, mes petits-enfants, chers concitoyens, chers compatriotes, monsieur le président, mes chers compagnons d'armes. Et mes petits-enfants en. Je m'adresse à vous tous sans distinction d'âge, de sexe, de rang social, d'état civil, de commerce, pour vous remercier de tout mon cœur. Et vous remercier. Ainsi que l'orateur, chaleureusement, d'être venu en si grand nombre. Silence, messieurs, dames. Silence, messieurs, dames. J'adresse aussi mes remerciements à tous ceux qui ont rendu possible la réunion de ce soir. Aux organisateurs. Bravo. Bravo. Aux propriétaires de cet immeuble. À l'architecte. Aux maçons qui ont bien voulu élever ces murs. Merde. À tous ceux qui en ont creusé les fondations. Silence, messieurs. Silence, messieurs. Je n'oublie pas et j'adresse aussi de vifs remerciements aux ébénistes qui fabriquèrent les chaises sur lesquelles vous pouvez vous asseoir. À l'artisan adroit. Droit. Qui fit le fauteuil dans lequel s'enfonce mollement votre majesté. Ce qui ne l'empêche pas cependant de conserver un esprit dur et ferme. Merci encore à tous les techniciens, machinistes, électrocutiens. Cutiens. Aux fabricants de papier. Aux imprimeurs, rédacteurs, correcteurs à qui nous devons les programmes si joliment ornés, à la solidarité universelle de tous les hommes, merci à notre patrie, à l'État, dont votre majesté dirige l'embarcation avec la science d'un vrai pilote, merci à l'ouvreuse, ouvreuse heureuse, marchande de chocolat glacé et de programme, Gramme. Mon épouse, ma compagne, Sémiramis, mon chou, il n'oublie jamais de me citer. Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide financière ou morale, précieuse ou compétente, contribuant ainsi au succès total de la fête de ce soir. Merci encore, merci surtout à notre souverain bien-aimé, Sa Majesté l'Empereur. Majesté l'Empereur. Silence, messieurs dames. Silence, messieurs dames. Majesté. Majesté, majesté. Ma femme et moi-même n'avons plus rien à demander à la vie. Notre existence peut s'achever dans cette apothéose. Merci au ciel qui nous a accordé de si longues et si paisibles années. Ma vie a été bien remplie, ma mission est accomplie. Je n'aurai pas vécu en vain puisque mon message sera révélé au monde. Au monde, ou plutôt à ce qu'il en reste. À vous, messieurs, dames, mes chers camarades, qui êtes les restes de l'humanité. Mais avec de tels restes, on peut encore faire de la bonne soupe. Orateur ami, si j'ai été longtemps méconnu, mésestimé par mes contemporains, c'est qu'il en devait être ainsi. Qu'importe à présent tout cela, puisque je te laisse à toi, mon cher orateur et ami, le soin de faire rayonner sur la postérité la lumière de mon esprit. Fais donc connaître à l'univers ma philosophie. Ne néglige pas non plus les détails, tantôt cocasses, tantôt savoureux ou attendrissants, de ma vie privée, mes goûts, mon amusante gourmandise, raconte tout. Parle de ma compagne, de la façon dont elle préparait ses merveilleux petits pâtés turcs, de ses rillettes de lapin à la normandiette. Parle du Berry, mon pays natal. Je compte sur toi, grand maître et orateur. Quant à moi et à ma fidèle compagne, après de longues années de labeur pour le progrès de l'humanité, pendant lesquelles nous fûmes les soldats de la juste cause, il ne nous reste plus qu'à nous retirer à l'instant, afin de faire le sacrifice suprême que personne ne nous demande, mais que nous accomplirons quand même. Oui, oui, mourons en pleine gloire, mourons pour entrer dans la légende. Au moins, nous aurons notre rue. Oh, toi, ma fidèle compagne, toi qui as cru en moi sans défaillance pendant un siècle, qui ne m'as jamais quitté, jamais. Hélas, aujourd'hui, à ce moment suprême, la foule nous sépare sans pitié. J'aurais pourtant voulu tellement finir nos os sous une même peau, dans un même tombeau, de nos vieilles chairs nourrir les mêmes vers, ensemble pourrir. Ensemble pourrir. Hélas, hélas. Hélas, hélas. Nos cadavres tomberont loin de l'autre. Nous pourrirons dans la solitude aquatique. Ne nous plaignons pas trop. Il faut faire ce qui doit être fait. Nous ne serons pas oubliés, car l'empereur éternel se souviendra de nous toujours. Toujours. Nous laisserons des traces, car nous sommes des personnes et non pas des villes. Nous aurons notre rue. Soyons unis dans le temps et dans l'éternité, si nous ne pouvons l'être dans l'espace, comme nous le fûmes dans l'adversité. Mourons au même instant. Une dernière fois, je te fais confiance, je compte sur toi. Tu diras tout. Lègue le message. Que votre majesté m'excuse. Adieu, vous tous. Adieu, Sémiramis. Adieu, vous tous. Adieu, mon chou. Vive l'empereur. Vive l'empereur. Vive l'empereur. Vive l'empereur. I'm sorry.